Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 20 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée contre les États-Unis et leurs alliés qui ont mis en cause notre mesure de renforcement de la dissuasion nucléaire autodéfensive. En voici le résumé. Lors des pourparlers à trois tenus à New York avec les ministres japonais et sud-coréens des Affaires étrangères, le secrétaire d'État US Kerry a calomnié notre mesure comme provocation et action téméraire en parlant de nouveau du dialogue pour la dénucléarisation qui n'a plus de sens. Ce sont des paroles banditistes dénaturant le vrai en faux. Nos forces armées nucléaires sont les armes de la justice pour mettre un terme une fois pour toutes aux menaces et chantages nucléaires américains qui durent plus d'un demi-siècle et défendre la paix et la sécurité en Asie Nord-Est et dans le reste du monde sans parler de notre souveraineté et de notre droit à l'existence. Les États-Unis s'obstinent à mettre en cause notre mesure de renforcement de la capacité militaire autodéfensive et à parler de la menace dans le but de justifier leur politique d'hostilité de nature agressive contre la Corée et leur politique de domination d'Asie. Ce pays prétend que l'abandon nucléaire de notre part apportera d'immenses faveurs, mais c'est en tour pour nous désarmer, occuper notre pays et voir réaliser l'ambition de suprématie mondiale. Avec leurs hostilités militaires et chantage nucléaire ouverts contre notre République, les États-Unis ont violé l'essence de la Déclaration commune du 19 septembre et perdu complètement la base juridique et la raison morale d'observation de la promesse. Impossible de nous soumettre avec la pression économique et la menace militaire, les États-Unis accusent le problème de nos droits de l'homme pour le renversement de régime, mais jamais ils ne pourront le réaliser. Plus les États-Unis et leurs valets recourent à la sanction et à la pression contre nous, plus ils font raffermir la volonté de représailles de nos militaires et civils. Nous continuerons de prendre dans toutes les étapes et successivement les puissantes mesures de riposte à la Coréenne, et les États-Unis finiront par se repentir pour leur jugement erroné et conduite téméraire.